24-5, observation, prononciation, E instable. Écoutez. À demain. Viens donc demain. Vous remarquez que le mot « demain » n'est pas prononcé de la même façon dans les deux cas. Dans le premier, le « e » n'est pas prononcé. Dans le deuxième, il est prononcé. Observez les exemples suivants. Ma petite minouche, ma chère petite minouche, mon petit pastis, mon cher petit pastis. Sûrement, justement, surtout ne manque pas d'y aller. Il ne manque pas d'y aller. Je n'aime pas le gigot. J'aime le gigot. Il faudra me donner son adresse. Téléphonez-moi pour me donner son adresse. Dans la première colonne, le E n'est pas prononcé. Deux consonnes prononcées se suivent, il n'y a pas de difficulté. Dans la deuxième colonne, le E est prononcé pour éviter trois consonnes qui se suivent, ce qui est difficile à prononcer.